Nous avons dit que le mot trop, comme dans trop gros, trop lourd, qui se dit tai, peut également être employé dans un sens positif. On dit souvent trop gros ou trop petit avec une connotation négative, mais on peut aussi l'utiliser dans un sens positif. Donc, merveilleux, par exemple, se dira trop bien. tai hao le, tai. Doigt noir pointé vers le sol. Hao, V rouge de la victoire. Le, fermez le poing. Tai hao le, pour dire merveilleux. Tai hao le. Et ce le est là pour intensifier le tai hao. Tai hao le. Comment dites-vous merveilleux? Tai hao le. Maintenant, dites-moi, merveilleux, il est capable de parler chinois maintenant. Tai hao le. Ta hui. Ta hui. Shuo. Zhong. Excusez-moi, je dois introduire maintenant. Oui, très bien. Il est maintenant capable de. Ta. Sienzai. Hui. Shuo. Zhongwan. Merveilleux. Il est capable de parler chinois maintenant. Tai hao le. Ta xianzai hui shuo zhongwen. Donc, comment cela se fait-il qu'il sache parler chinois maintenant? Parce que sa petite amie ne sait pas parler français. Cette petite amie ne sait pas parler français, donc il a tout le loisir de s'entraîner. Alors dites d'abord cette petite amie. 这个 女朋友, cette petite amie sait. Ne sait pas, n'est pas capable. Ne sait pas parler. 不会, shuo, français. Oui, c'est ça. Fa, wen. Cette petite amie ne sait pas parler français. 这个女朋友 不会说法文. Alors dites-moi, as-tu un livre? En sachant qu'il n'est pas nécessaire de traduire le « un » ici. Oui, yo. Shu. Comment dites-vous « a »? Yo. Yo. Yo. En fait, je monte, n'est-ce pas? Oui, il faudrait faire le « V » rouge de la victoire ici. Yo. Yo. Oui, yo. Yo. Bien. As-tu un livre? Ni yo shuma. As-tu un bon livre? Ni yo hao. Hao shuma. As-tu un bon livre? Ni yo hao shuma. Et la réponse sera je n'en ai pas ou bien non. Mei you. Mei you. Ont-ils un livre de français? Tamen you fa wen shuma. Ont-ils un livre de français? Tamen you fa wen shuma. Oui, ils en ont un, ou bien avoir. Yo. Yo. Yo. Dites maintenant, lis-tu un livre sans traduire le 1? Ni kan shu shuma. Comment dites-vous lire ou regarder? Kan. Lis-tu un livre? Ni kan shuma. La réponse est non ou ne pas lire. Bu kan. Encore une fois, comment dites-vous ne pas lire? Bu kan. Bien, on utilise le trampoline ici. bouquin. Pourquoi ne lis-tu pas un livre? Tu ne lis pas un livre, pourquoi? Pourquoi tu ne pas regarder livre? Alors, quand est-ce qu'on met le mot interrogatif à la fin? Avec quoi ou qui? Mais là, c'est... C'est pourquoi qui se place au début. C'est ça. D'accord. Wei shen me ni kan shu me? C'était pourquoi ne peux-tu pas lire un livre? Pourquoi ne lis-tu pas un livre? Pourquoi tu ne pas lire livre? Alors, wei shen me ni pu bu kan shu ma? Est-ce qu'il y a un mot interrogatif? Ah oui, wei shen me est un mot interrogatif. Donc, dans ce cas, je n'ai pas besoin de ma. Et nous devons faire des excuses à maman, parce que nous l'aimons bien. Mais s'il y a un mot interrogatif... Nous n'avons pas besoin d'elle. Exactement. Wei shen me ni bu kan shu? Comment dis-tu tu ni? Vous voyez la différence si je dis ni et vous dites ni? Le bon ton c'est ni. D'accord. Ni. Oui, je montre plus ce qu'il faut. C'est ça. Ni. Ni. Pourquoi ne lis-tu pas un livre? Wei shen me ni bu kan shu? Et à la question « Pourquoi ne lis-tu pas un livre ?», on pourrait répondre « Parce que je suis très occupé ». Alors, traduisez-moi cette réponse « Parce que je suis très occupé ». Yin wei wo ren mang. Parce que je suis très occupé. Yin wei wo ren mang. Qui est cet homme-là? Alors, cet homme-là, qui? Cet homme-là est qui? Na ge nan ren shi. Bon, alors là, qu'est-ce que vous avez dit? Ah oui, j'ai oublié de dire est. Ah oui, il faut bien s'en souvenir. Na ge nan ren shi shi. Qui est cet homme-là? Naga nan ren shi shi. Oh, c'est un étudiant. Littéralement, oh, il est étudiant. Oh, ta shi shui sheng. Comment dis-tu étudiant? Shui sheng. Shui sheng. Xue. Xue. Sheng. Sheng. Xue sheng. La deuxième partie est un pouce vert couché. Donc reprenons. Oh, c'est un étudiant. Oh, ta shi xue sheng. Maintenant, dites-moi, a-t-il des livres? Et je précise qu'on ne traduit pas des en chinois. Et que le mot ne change pas, qu'il soit au pluriel ou au singulier. Donc, vous direz littéralement « il avoir livre » plus le mot que l'on utilise pour poser une question. « Ta yu shu me ?» A-t-il des livres ?« Ta yu shu me ?» Bien sûr, tous les étudiants ont des livres. « Chen de » Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr. J'essaie de penser au... En... Jeun. Ah oui, les engins. En fait, c'est un jeu de mots. Un mot qui lui ressemble quand on le prononce. Ah oui. Tang, jeun. Alors, tous les étudiants ont des livres. To. Étudiants. Parce que rappelez-vous, d'abord, on doit savoir qui. Xue sheng to. Oui, exactement. Xue sheng to yu Chou. Titre de nouveau étudiant. Xue sheng. Bien. Xue sheng. Comment dites-vous, bien sûr? Tan zan. Non. Tang ran. Oui. Tang ran. Bien sûr. Tous les étudiants ont des livres. Tang ran. 学生都有书。